On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you don't. On the rocks! J'ai une pêche, les gars, wouh! I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans On The Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, en direct sur internet sur www.ontherocks.net ou en rediffusion sur ZEF à Blois. Allez, plein de bonnes choses à vous proposer ce soir dans The Rocks, un petit peu les morceaux qui m'ont accompagné pendant tout l'été et puis je vous parlerai également du festival Rock en Seine. On va commencer plutôt dans le tout doux avec ce début d'émission sur le premier morceau et puis après ça va être un peu plus velu. Le nouveau morceau de Patrick Watson va ouvrir l'émission, c'est le coup de cœur ce soir de ce Canadien qui était passé par l'Astrolabe il y a bien des lunes et qui a livré des morceaux, que ce soit avec Cinematic Orchestra ou avec sa propre formation, donc Patrick Watson, des morceaux absolument fabuleux. Et bien il revient avec un nouvel album et un single annonciateur qui s'appelle Dream for Dreaming. On y retrouve le Patrick Watson qu'on aime, c'est-à-dire des morceaux assez... Un morceau assez à la fois brumeux et lumineux. Il arrive à allier les deux avec une sensibilité incomparable et puis surtout cette voix qui ressemble qu'à lui. Il n'y a personne qui chante comme Patrick Watson. Donc voici Dream for Dreaming, c'est le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Installez-vous bien, ça va durer 2 heures. This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream. Never thought you would leave. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish we were dreaming? Don't you A silver dernière fois que j'avais eu des nouvelles de ce groupe, c'était à Saint-Nazaire lors des escales. Ils avaient joué live. Je ne les avais jamais vus sur scène. Pourtant, j'étais assez fan, comme tout le monde, un peu dans les années 90. Et puis, le concert de Saint-Nazaire m'avait fortement déçu par son côté monolithique, hurlé et pas très fin, avec des morceaux que j'adorais, qu'ils ont un petit peu piétinés par leur lourdeur. Alors, j'avais fait un peu une croix. Je m'étais dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et puis, le dernier album des Pixies, puisque c'est deux dont il s'agit, vient de sortir et il est assez surprenant. Il y a des morceaux comme ce Silver Bullet qu'on vient d'entendre à l'instant, qui aurait pu très bien être retrouvé sur le dernier album d'Iggy Pop, par exemple, qui est assez étonnant lui aussi. Il y a des choses un peu plus bourrines. Il y a d'ailleurs un morceau qui s'appelle Saint-Nazaire. Donc eux, ils ont peut-être un bon souvenir de Saint-Nazaire, ce qui n'a pas été, moi, le cas pour leur concert dans cette ville de l'Ouest. Patrick Watson avec Dream for Dreaming, juste avant, et les Pixies à l'instant, tiré du dernier album avec Silver Bullet. Allez, on va plutôt maintenant aller vers du rock lumineux et sautillant avec une petite heure de morceaux qui m'ont accompagné pendant l'été, pas forcément des groupes très connus, pas forcément des groupes que je connais d'ailleurs, mais en tout cas des morceaux qui m'ont vraiment plu. On commence avec ce Together Pangea, c'est le nom du groupe, et Bet You Wish I Would Call, et vraiment vraiment ça sent l'été. Vous êtes dans The Rocks. À la chance. Slippers on, listening to all my favorite songs. I can't remember at all. I can't remember at all. I wish I could. Another day, a week, another year. Older feelings, they just disappear. I don't recall them at all. I don't recall them at all. I wish I could. I'm gonna plant my feet and scream. scream at the ocean, gonna plant my feet and scream at the ocean. Je renvoie Together Pangea. Pas du tout, on l'a déjà entendu, même si c'était très bien. Bet You Wish I Would Call, c'est ce qu'on entend là. Mais vous l'avez déjà entendu. Et juste après, c'était Ralph Paley Mounter avec Black Nest Void. Encore un artiste assez obscur, mais qui a livré un album et un morceau vraiment génial cet été. Mais on va continuer dans ce sens avec, voilà, encore un groupe dont je n'avais jamais entendu parler avant le mois de juillet. Il s'appelle Small Crush. Et ils ont livré un petit morceau assez réjouissant qui s'appelle Chicken Noodle. Ça nous ramène à l'époque du début des années 2000 où il y avait l'antifolk. Vous vous souvenez de l'antifolk? C'était des petites chansons un peu stupides, folk. Je vous conseille la BO du film Juno, voilà, c'était que de l'antifolk. Eh bien, voici un morceau qui pourrait très bien pu figurer dans Juno 3 ou Juno 4, c'est Chicken Noodle par Small Crush. Just let it out. fast or you might not keep your head on. I think you're a little bit sadder than you let on. Encore un morceau, ah bah décidément, encore un morceau qui voilà, chanté à tue-tête bêtement sous la douche, c'était Gaffa Type Sandy, un groupe anglais, trio anglais qui n'a débuté qu'en 2017 mais qui pourtant a livré déjà 3-4 albums, certains autoproduits et les derniers sont sortis sur des maisons de disques officielles on va dire. Gaffa Type Sandy, j'espère un jour voir ça sur scène parce que ça a l'air bien sympathique. Et puis juste avant c'était Small Crush avec Chicken Noodle, morceau de moins de 2 minutes mais il n'en fallait pas plus pour chanter leur petite ritournelle. Voici maintenant un groupe qui s'appelle The Dolly Rots dans On The Rocks. Alors voilà, j'ai eu un problème avec ce morceau. Parfois, le regard des autres et les oreilles des autres vous font changer d'avis sur un morceau que vous aimez beaucoup. Enfin, vous font changer d'avis, vous font douter, on va dire. J'aime beaucoup l'album des Dolly Rots. C'est un album de, voilà, on va dire, de punk réjoui, de punk sage, hein, de punk réjoui, un peu californien, lumineux, rigolo, voilà. Et le morceau s'appelle I Love You Instead. Je trouvais ça vraiment pas mal. J'ai fait écouter ça à mon entourage en disant écoutez ça, vraiment, c'est sympa. Et à l'unanimité, ils m'ont dit « Ah, c'est marrant, on dirait vraiment les faux groupes de rock dans les feuilletons Disney Channel. » Alors voilà, donc alors voilà, à vous de vous faire une idée sur ce morceau des Dolly Rots. Est-ce que c'est vraiment un morceau euphorique et sympathique comme je le pensais au départ, ou est-ce que c'est une version américaine et un peu plus musclée des musclés, justement. The Dolly Rots, I Love You Instead, faites-vous un avis. Thoughts are there, but the words are not, and I don't know how. Yeah, I'm just gonna come up with it. Feels like the only answer. Yeah, I'm just gonna come up with it. I don't care about the repercussions. Everything to myself. Ways to express how I really feel, but I always end up better with it looking like a mess. At least I leave myself there. Cause every time I feel like this, but I can't tell, take a slow and say goodbye to everyone you know. Et oui, messieurs, dames, c'est comme ça dans The Rocks. À l'instant, c'était Gallus, groupe qui nous proposait Looking Like a Mess. Eh bien, on prend. Ça sent le garage, ça sent la sueur et ça sent bon. Et juste avant, c'était Dolly Rots avec I Love You Instead. Bah, je persiste, Cécile. J'aime bien ce morceau, moi, des Dolly Rots. Je trouve ça frais, je trouve ça sympathique. On va plutôt maintenant dans The Rocks. Encore une nouveauté, mais une nouveauté, plutôt du côté du psychédélisme guitare et, des substances illicites. Psychedelic Porn Crumpets. C'est le nom du groupe. Déjà tout un programme. Et le morceau, c'est Bill's Mandolin. Voilà, là ça va planer assez haut là. Et si je mettais le début du morceau plutôt, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis d'accord. call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you. That I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Peut-être l'album de l'été, c'était celui des Raconteurs avec l'album Help a Stranger. Et ce morceau Help Me Stranger, on s'est déjà diffusé un bon tiers de l'album dans The Rocks. Et bien on va continuer, je peux vous le dire. Vraiment album génial, avec cette association qui marche particulièrement bien de Brendan Benson et de Jack White. Alors Jack White, c'est un peu le dissonant et le voilà. Et Brendan Benson, ça lorne plutôt du côté des Beatles. Je vous avoue que j'ai plutôt un petit faible pour Brendan Benson. Mais voilà, les deux ensemble, ça fonctionne particulièrement bien. Et cet album des Raconteurs, c'est vraiment, vraiment super. Psychédélique Porn Crumpet. C'était juste avant avec Bill's Mandoline. On continue encore avec des morceaux qui m'ont accompagné cet été et des groupes assez obscurs que j'espère vous faire découvrir ce soir. En voici un, ça s'appelle On Video et le morceau c'est Past Tense. Oh my God, where am I? watch you in the past tense, no. Everyone says I got to process things. I went to cover up and called your name, your name. Whoa, oh, oh my God. Don't think about you in the past tense, no. Everyone says I got to process things. I went to cover up. Petit problème technique, voilà, ça vient de recracher un petit peu mon morceau, alors je vais essayer de relancer. Qu'est-ce que je vais vous passer maintenant? Eh bien tiens, King Grizzard and the Lizard Wizard, c'est une nouveauté aussi, et c'est plutôt, plutôt pas mal. Le morceau s'appelle Plastic Boogie. We'll be right back. Encore des nouveautés dans The Rocks, je vous aurais gâté ce soir. À l'instant, c'était quoi? Bonne question. C'était Gour, G-U-2-R, avec Middleton Mael. C'est encore une nouveauté de cet été. Et puis juste avant, ça fleurait bon le T-Rex avec King Gizzard and the Lizard Wizard. C'est le nom du groupe. Il y a des artistes comme ça qu'on aime, qu'on adore, qu'on suit depuis des années, qui ont une grosse réputation, mais une réputation plutôt... pour les initiés, voilà, jamais de gros tubes mondiaux. Et puis un jour, eh ben, ils décident de, je sais pas, de donner une musique pour une pub ou de donner une musique pour une série. Et ça devient un tube énorme parce que la pub ou la série est devenue énorme. C'est le cas de Orange is the New Black, série carcérale féminine américaine que je n'ai pas vue, que je n'ai pas regardée, mais qui fait un carton énorme sur Netflix. Eh bien, Regina Spektor, puisque c'est d'elle dont il s'agit, vous savez que ça fait une quinzaine d'années que je passe du Regina Spektor à qui mieux, vu que je suis très très fan de la demoiselle. Eh bien, filer un titre pour la bande originale, ça s'appelle You've Got Time. Eh bien, ce You've Got Time de Regina Spektor est devenu énorme. Tout le monde connaît, puisque tout le monde regarde la série. Elle a dû être la première surprise, et donc elle a ressorti une version, puisque la première version de You've Got Time est plutôt guitare. Elle vient de ressortir une version orchestre de chambre, chamber version. Je pense que c'est peut-être pour accompagner l'ultime saison de Orange is the New Black. En tout cas, ça nous permet dans The Rocks de réécouter la merveilleuse, délicieuse voix un peu barrée de Regina Spektor. Heels and bodies could have been together. stand the weather here. You know the light is passing through it. It's 'cause there's nothing really here. You know it's just a mere conduit. But there's no one really here. Just tone deaf angry voices that are breathing in your ear. But you traded hell for leather, a closer walk we'll see. And we locked our homes forever. Could have been together, but you couldn't stand the weather here. There's nothing without you. There's nothing without you. I think it's just an aberration. That could not happen here. Such an abomination. Could be the man of the year. I think you're making choices, but there's nothing really here. Just tone deaf angry voices that are breathing in your ear. Follow the together, but you couldn't stand the weather here. Noah was your rain and thunder on your heels and valleys dear. You think you're making choices, but there's no one really here. Just tone deaf angry voices that are breathing in your ear. Father, back to one more town, building us up. Ben voilà, à force de vous passer des nouveautés, je devais bien finir par vous passer une vieillerie. Regina Spektor d'abord avec You've Got Time, dans sa version musique de chambre. Ensuite, Andrew Bird, très très bon morceau d'Andrew Bird avec Follow Run. Il ne siffle pas, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis quand même, le down, down, down, down, ben ça m'a fait penser, et pas qu'à moi, parce qu'il y a des oreilles qui fonctionnent très très bien du côté de Darvois. Pas toutes, hein, pas toutes. Eh bien, c'était, ça ressemblait quand même beaucoup au riff de guitare de Corps du Roi de Pearl Jam. Et ben voilà, paf, un petit Pearl Jam pour se rafraîchir la mémoire, avec une version inédite, une alternative take, comme ils disent. Voilà, cette version enregistrée n'a pas été retenue pour l'album, ils en ont pris une autre. Et cette version est quand même pas mal. Elle ressemble à l'original, mais l'intro n'est pas la même. Il va y avoir un festival ce week-end. Hop hop hop, on en a parlé, beaucoup parlé avec Mathieu Dufault, le programmateur, la semaine dernière. Je vous donne rendez-vous jeudi soir qui vient à 18h30 sur le Facebook d'Hop Hop Hop, puisque je serai le Michel Drucker de la chaîne de télé Hop Hop Hop, puisque je vais interviewer toute l'équipe d'Hop Hop Hop pour vous donner l'eau à la bouche et vous donner envie d'aller à ce festival qui aura lieu donc vendredi et samedi toute la journée. Ce sera donc dans les jardins de l'Évêché, mais également au Théâtre d'Orléans, mais également au 108 rue Bourgogne, mais également au CCNO, c'est-à-dire anciennement centre chorégraphique Joseph Nadj derrière la cathédrale. Plein d'endroits, et également au conservatoire, à la salle de l'Institut. Plein de bons concerts, des choses qui me plaisent moins, mais 35 groupes, donc on a largement de quoi se faire plaisir. Et puis il y a une artiste, on parlait de Regina Spektor tout à l'heure, alors ça vaut pas Regina Spektor, hein, je vais pas vous raconter d'histoire, ça n'est pas encore tout à fait là, mais l'album de Rosie Plain qui va passer à Hop Hop Hop, ce sera vendredi, est assez intriguant, assez intéressant. C'est la bassiste de This Is The Kit, qui est vraiment, lui, pour le coup, un groupe absolument génial, féminin génial. Rosie Plain, donc, a sorti un album cette année, et elle va le défendre sur la scène. Ça sera, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est au CCNO, hein, parce que je viens de le dire à Duduche, donc j'ai quand même pas une mémoire de poisson rouge. Je prends mon petit flyer. Au CCNO, donc, à 19h15, eh bien, moi, j'y serai, je pense. Je vais aller écouter ça, et si vous voulez avoir un aperçu de ce que fait Rosie Plain, c'est ceci. Si vous aimez les ambiances un petit peu feutrées, barrées, un peu à la Coco Rosie, c'est pour vous. Looking at the game, moving away and moving back, thinking about the game, moving away and moving back. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. Game. It's just the place that changes. The rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road. A thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no souvent qu'on se passe des gros tubes dans On The Rocks, mais celui-là, franchement, eh bien, Lulu est une connaisseuse, hein, même Lulu. Eh ben oui, c'est vraiment très très bien ce morceau d'Alice Merton. Voilà, ça danse, ça groove, c'est pas mal. Ça s'appelle No Roots. C'est voilà un très très gros tube. Hein. Et puis juste avant, c'était Rosie Plain, beaucoup plus confidentiel, mais elle sera à Hop Hop Hop et ce sera vendredi à 19h15 au CCNO. Alice Merton, elle faisait partie des têtes d'affiche de Rock en Seine, de l'édition de Rock en Seine où j'ai été envoyé spécial pour la radio. Donc je vais vous faire un petit compte rendu. Alors elle, j'ai pas pu voir son concert. Elle était dans la voiture. Hein. Elle était un petit peu arrivée en retard. Donc je n'ai pas vu Alice Merton sur scène pour savoir ce que ça donnait. Et évidemment, à Rock en Seine, il n'y avait pas qu'elle. Il y avait également Balthazar qui passeront cet hiver à l'Astrolabe. Alors, je les ai très, autant l'album, je le trouve vraiment très très bien, l'album des Belges de Balthazar. Autant à Rock en Seine, je les ai sentis un peu perdus sur la grande scène. Voilà, donc à voir ce que ça donne dans une petite salle. C'était pas honteux, mais les morceaux qui sont longs et magnifiques sur l'album paraissaient longs sur la scène de Rock en Seine. Ensuite, il y a eu Janadead. Alors Janadead, voilà, moi j'aime la voix de Janadead. Point final. Les morceaux, Il y en a quelques-uns qui fonctionnent bien, mais on attend que ça démarre. Et puis franchement, le parti pris électro derrière est vraiment d'une grande, grande pauvreté. Et je trouve que parfois, il y a un décalage un peu embarrassant entre elle qui saute partout et qui a l'air de vivre une musique intense qui l'a fait décoller, et puis des boom-tchak derrière qui sont assez pauvres. L'entrée sur scène de Jeanne Haddad, elle, était sympa, puisque c'est une chorale d'ailleurs qui est rentrée en première et qui a fait le premier morceau avec elle. Et là, ça avait un peu plus de tronche, mais dès que la chorale est partie, eh ben, il manquait quand même quelque chose. Elle devrait revenir à des choses un peu plus organiques et plus épurées, c'est mon avis. J'étais très très impatient de voir Hills, groupe que j'adore et que je vénère depuis tant d'années, avec des albums tous plus somptueux les uns que les autres. Un petit peu sur ma faim aussi. Alors il faut dire que le concert de Hills était programmé en même temps que le concert de Johnny Marr, le guitariste des Smiths. J'ai tiré un peu à pile ou face, j'ai pris Hills. Et voilà, c'était un peu, alors on était peut-être un peu loin de la scène, ils étaient peut-être un peu alcoolisés, la voix si fantastique du chanteur I était peut-être un peu trop brouillée par le son. En tout cas, c'est pas un concert vraiment que je retiendrai comme un des grands grands concerts. On en reparlera tout de suite derrière. Et puis évidemment, Johnny Marr, ça va l'air très bien, on en reparlera aussi. Mais évidemment, la tête d'affiche était The Cure, avec une énorme attente. Les In Rock, Rock and Folk ont fait des numéros spéciaux dessus, France Inter qu'on a fait tout un cake. Alors c'est assez étonnant, parce que Cure n'a pas sorti d'album depuis quand même très très longtemps, une dizaine d'années, et il rentabilise un peu avec les concerts. Alors des concerts où ils se moquent pas des gens au niveau de la durée, hein, ça dure 2h30. C'était leur condition pour participer à Rock en scène. Ils voulaient, 1, pouvoir jouer plus de 2 heures, ce qui n'est pas le cas dans tous les festivals. 2, savoir qui était sur la scène avant eux. Donc ils ont écouté Jeanne Haddad et eux ont aimé. Apparemment Robert, il a dit c'est bien. Donc voilà. Et puis également toucher un petit chèque de environ 700 000 euros. Bon, donc tout ça, ça a été accordé à The Cure. Et donc ils sont rentrés sur scène avec un public conquis et absolument extatique de les voir arriver. Alors les points faibles. Ben, j'ai trouvé ça parfois ennuyeux. Voilà, je me suis un peu ennuyé. Alors d'habitude, les concerts de 3 heures, moi c'est Bruce Springsteen et je m'ennuie jamais. La Cure, il y avait des grands grands morceaux un peu longs tirés de Disintegration ou de la bande originale de The Crow. J'ai trouvé ça un peu pénible par moment, surtout qu'au bout d'une heure et demie, il s'était pas encore du tout adressé au public, donc ça commençait à faire un petit peu long. Voilà, j'ai pensé à autre chose pas mal de fois. In Between's Day et Just Like Heaven m'ont un peu réveillé, certes, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu long. Le son est toujours égal à lui-même, très très bon. Robert Smith est un peu à la fois touchant et embarrassant, puisqu'il a toujours ses manières un petit peu engoncées, embarrassées. Il a toujours son rouge à lèvres à 60 ans. Il a toujours ses cheveux coiffés à la Robert Smith, mais plus beaucoup de cheveux. Il a pris de l'âge, forcément, du poids et tout ça. Donc, ça lui donne un côté un peu fascinant et en même temps, parfois, un peu touchant et, oui, embarrassant, parfois, je trouve. Alors, le point positif, c'est la voix. Incroyable. Robert Smith a exactement la même voix qu'en 1980. Et sur certains morceaux, ça paye. Forest, par exemple, quand il y a un grand morceau comme Forest, bah, Là, on y est à nouveau, et là, j'ai décollé de quelques centimètres sur ce morceau, sur quelques autres aussi, mais vous dire que c'était un concert où je vous donnerai un avis dithyrambique, comme beaucoup dans la presse ensuite. Bon, bof, vous pouvez aller voir sur le site de France Info, il y a 1h15, je crois, sur les 2h30 du concert qui sont diffusés. Vous pouvez vous faire une idée, vous pouvez passer par le Facebook de l'émission On The Rocks, vous retrouvez aussi ce concert qui a été filmé. Alors, je trouve que le moment où ça a vraiment, vraiment décollé pour moi, c'est le moment où Cure, et c'est un extrait du concert, on jouait ce morceau qui figurait sur, pour moi, un de leurs deux meilleurs albums, Head on the Door. Mon préféré, je crois que c'est quand même Kiss Me, Kiss Me, mais Head on the Door est un album pour moi fabuleux. Oui, je suis plus, voilà, côté lumineux de Cure plutôt que la trilogie un peu plombée, qui est très belle, hein, mais de pornographie, 17 secondes, etc. Mais en tout cas, ils ont joué ce morceau de The Head on the Door, et là, j'ai ouvert les paupières, j'ai dit « Ah !» Et je crois que le public aussi, ça a fait ça. Voici Push de Cure. Enregistré à Rock en scène, c'était fin août. Les vrais dans The Rocks qui à Rock en scène ont joué ce push tiré de The Head on the Door et puis Just Like Heaven et In Between's Day, deux morceaux que Cure ont joué dans cet ordre juste après, et ça a été assez troublant pour moi parce que je sortais un peu d'une demi-sieste et je me suis dit mais tiens, ils rejouent le même morceau, alors que il faut le dire, dans les années 80 j'étais un grand fan de Cure et ces morceaux je les connais par cœur, et là pourtant je me dis tiens, ils rejouent Just Like Heaven alors que c'était In Between's Day. Donc c'est là qu'on se rend compte que les morceaux se ressemblent un petit peu niveau musicalement. Just Like Heaven, d'abord c'était par Joy Zipper, groupe américain, duo américain de Long Island, et puis juste après c'était Kitty Kyle avec In Between's Day. Ces deux morceaux sont tirés d'un tribute to The Cure qui était sorti il y a quelques années. Je vous parlais de Hills tout à l'heure. Alors, il y a quand même eu des surprises avec Hills sur scène, puisque, alors, il avait des nouvelles castagnettes, hein, il nous les a montrées, ils ont fait un défilé de mode sur le devant de la scène. Bon, voilà, ils avaient l'air très enjoués, très contents d'être là. Alors, il a joué évidemment Novocaine for the Soul, et plein de ses grands tubes, mais il a commencé le concert par, il a fait une reprise des Who, très bon morceau du premier album des Who, et puis, en deuxième morceau, et ben voilà ce qu'il a joué en arrivant sur scène, et ça on n'aurait quand même pas cru venant de Hills, et on a eu tort puisqu'il le faisait très très bien. Il a également terminé son concert, mais là on était déjà parti vers The Cure, par une version de The End, le morceau qui terminait l'album Abbey Road des Beatles. Mais voilà ce qu'il a joué pour entamer son set, et franchement il l'a très très bien fait, mais c'était surprenant. Ici la version originale bien sûr.

Pills à l'instant avec Born Dry tiré de son dernier excellent album. Et puis juste avant, bah c'était Prince évidemment, 1985 avec Raspberry Beret, morceau qui était paru sur Around the World in the Day. Voilà, très étonnant d'entendre ils chanter du Prince et pourtant ils l'ont fait très très bien. Je suis en train de me replonger dans l'album Sign of the Time de Prince que j'avais pas écouté depuis très longtemps. Alors vraiment quel bonheur. Je vous conseille de vous mettre ça pour rentrer dans l'automne, ça doit être très bien. Encore rock en scène, et bien ils étaient programmés à la même heure que Johnny Marr, guitariste des Smiths, guitariste et également d'électronique avec Bernard Sommer de New Order. Moi, j'ai jamais été très très fan de New Order, donc je suis jamais allé voir de ce côté-là. Et puis Johnny Marr en solo, mais surtout guitariste des Smiths quand même. Moi, j'étais très fan des Smiths. Et puis voilà, j'ai choisi Hills. Et ben apparemment, le concert de Johnny Marr était vraiment très bien. Il a joué deux morceaux des Smiths. Il a joué également un morceau de Depeche Mode très très bien. Et puis quelques morceaux à lui. On va se passer ce morceau des Smiths, Big Mouth Strikes Again, un des vraiment des tubes des Smiths, Big Mouth Strikes Again. Et ça, c'est pas la version qu'il a joué à Rock en Seine, c'était quelques semaines auparavant à Glastonbury en Angleterre, mais c'est dans vraiment une version très très proche de ce qu'il a fait à Rock en Seine. Et apparemment c'était un grand concert. Il a été interviewé, c'est bien d'avoir le petit pass comme ça backstage, parce que bah je me suis retrouvé avec 2 mètres de Rebecca Manzoni sur France Inter qui a interrogé Johnny Marr. Et puis voilà, d'approcher Johnny Marr de si près alors que je l'écoutais beaucoup lorsque j'étais étudiant, et ben ça m'a fait quand même un petit peu plaisir. Voici Big Mouth Strikes Again. Ceux qui aimaient les Smiths, ça va vous faire un drôle d'effet. Sorry. Eh bien, je crois que l'artiste qui a été la plus remarquée et la plus formidable à Rock en Seine cette année, eh bien, c'était elle, et c'était le lendemain, c'était le samedi. Moi, j'étais le vendredi. Le lendemain était plutôt plus électro, donc j'avais choisi le vendredi. Eh bien, c'était Girl in Red. Alors, sur disque, c'est sympathique, cette jeune américaine de 20 ans à peine, je crois. Mais en tout cas, sur la scène de Rock en Seine, j'ai mis le concert en intégralité sur Facebook, sur le Facebook de l'émission On the Rocks, avec ce I Wanna Be Your Girlfriend. Eh bien, c'était vraiment, vraiment du feu de Dieu. Elle avait l'air ravie d'être là, complètement déchaînée à la fin dans le public. C'était vraiment, vraiment génial. Donc, Girl in Red, à voir sur scène, peut-être un jour par chez nous. Ce serait bien. Allez, on replonge maintenant dans les petites nouveautés. On va se passer un morceau du dernier album de Ride, puisqu'on était dans les années 80 avec les Smiths. Eh bien, le début des années 90 avait été marqué par l'apparition de ce groupe, Ride, qui avait disparu et qui est réapparu il y a quelques années il y a deux ans, je crois, pour un nouvel album après des années et des années d'interruption. Eh bien, reviennent dans cette deuxième vie avec un deuxième album. On va se passer un extrait qui s'appelle Shadows Behind the Sun. Il y a un morceau qui ouvre l'album qui est vraiment pas terrible, instrumental. On se dit oulala, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Et puis après, on retrouve Ride avec leur mélodie, un petit peu, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Voilà, c'était à l'époque de un peu de la Britpop. Enfin, je ne sais pas comment on peut qualifier Ride, mais en tout cas, ça fait du bien de les retrouver. Mais avant le morceau de Ride, eh bien, on va se diffuser un extrait du dernier mini-album de quelqu'un que Duduche va être contente de retrouver, puisque c'est Junius Mavent qui revient et est décidément très prolifique, il n'arrête pas de sortir des morceaux. Et voici un de ses derniers morceaux, ça s'appelle Cherries on the Ground, et on retrouve sa sensibilité à fleur de peau. Oui, on a l'impression que c'est de la black music, pas du tout, ça vient d'Islande. Let it slide down to cherries underground, far away from home. Let it bright up my daddy's lack of sound, right down to the bone. Love I know, love I need, it lying on the lot in front of me. Love I know, love I need, it lying on the lot in front of me. Let it dry up the strain inside my cup, I don't like the foam. Let it fire up the rain, but not too much. I ain't made out of stone. Love I know, love I need. Lying on the lot in front of me. Let it talk to the coolest of them all. She don't like to be alone. Take it, I À l'instant, c'était Rai, donc tiré de leur dernier album, avec un des morceaux les plus cools de l'album Shadows Behind the Sun. Je voulais un peu vous chouchouter pour la fin de l'émission. Et juste avant, c'était Genius Mavent. Merci à l'Astro de m'avoir fait découvrir ça il y a quelques années. Cherries on the Ground. Voilà quelqu'un qu'on est content de retrouver aussi, qui s'était un peu perdu, qui avait sorti un premier album qui était fantastique. Puis après, il s'était un petit peu perdu. Il revient à des choses un peu plus, voilà, un peu plus en rapport avec son talent. C'est Fionn Regan qui sort encore un album. Et voici un extrait de ce dernier album de Fionn Regan. Ça s'appelle Under the Waves Tokyo. Say your heart to winds of change can be so harsh. Nothing's permanent. I know that it's not you. I shed a tear, but it's too dry. Tell me why. Dans The Rock ce soir, c'était Little Hurricane avec Black Blizzard et juste avant Fionn Regan avec Under the Waves. La semaine prochaine, il y aura une émission spéciale hommage à Neil Casal. On en a un peu parlé avec Mathieu Dufault la semaine dernière dans l'émission spéciale au Pop-Up. Voilà, quasiment que du Neil Casal la semaine prochaine pour rendre hommage à cet artiste disparu. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous allez découvrir un artiste qui malheureusement vient de nous quitter. Mais voilà des artistes qui eux reviennent avec un deuxième album. Je crois que c'est leur deuxième. Ils avaient fait grosse impression au moment du premier album. Ils reviennent avec un album qui, franchement, moi, me séduit. On en reparlera. Ça s'appelle Surfer Blood et le morceau, c'est Around Your Sun. C'était Suffer Blow dans The Rocks. Voilà, on va terminer là-dessus ce soir. Je vous laisse avec Rémi, l'arrêt d'arc du sport. Plein de choses à vous dire sûrement sur les hymnes nationaux, sur des trucs. Et on va se terminer avec un petit Smash Mouth. Tiens, ça va nous faire du bien avec cette reprise de I'm a Believer des Monkees. Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale hommage à Neil Casal. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous et bonne arrêt d'arc du sport avec l'ami Rémi. True in fairy tales, men